Selon Yunnanus de Corée du Sud, l'action nationale contre la disposition du SAD et l'action civile de Pyeongtaek contre le SAD et pour l'expulsion du bacille du charbon ont tenu le 16 une conférence de presse devant la base aérienne américaine à Osan, à la ville de Pyeongtaek de la province du Gyeonggi, pour condamner l'installation forcée du SAD par les États-Unis et les autorités sud-coréennes.